Quit and Play Beats. Yo. J'ai le flow qui terrifie, oui c'est notaire ici. La mise dégage, on sait même pas ce que tu viens faire ici. Oui c'est laser monsieur, mais le combat continue. Comme Kirichi, fuck la chute quand j'atterris seul. Miss, fuck la mère et fils, on est des rappeurs vérifie. Que du beau pour les frères, père, mère et fille. Je relance des répines, t'es, tape la pause hein. J'ai eu ma dos, je suis tombé sur une rose pleine d'épines. Bref, sur les MC prêtes, le billet, la chose, le chiffre. Caché, comme le shit dans la chaussette est caché. Ok, je suis venu bousiller, non pas caché. Rose bliff, whisky, gros pack de bière hein. Faut ton panaché hein. Si charmant c'est des balles lâchetées. Mon rap est un art. Tu rap on en a marre. Vas-y mais par toi pas te cacher. Fuck tes intrus cadenassés. Si y'a un masse faltassé. Fuck tes phrases et tes bases mal placées. C'est pour les MC. C'est pour les flas ou whisky split. C'est le LH. Si divise ton rap est chelou. Comme une miss qui deal. Si si faut pas écouter ce qu'ils disent. Vise whisky split. C'est pour les MC. C'est pour les flas ou whisky split. C'est le LH. Si divise ton rap est chelou. Comme une miss qui deal. Si si faut pas écouter ce qu'ils disent. Vise whisky. Je sais que c'est c'était son décès, c'est décidé des récités, ciné aussi, mais si anticipé pour musique. Nique ton rap, c'est abusé, t'as vu ça, ouf sa gueule, ça joue bien une fois que ça abuse. C'est grave, du rap sale, y'a pas plus grave, du bon genre mon qui crie mot, oh no, y'a pas plus tard, SH, ce n'est pas juste une apparition, prends ça comme un atterrissage. Garçon, nique sa mère, ça dévisage, ok, musique à fond, belle fêtère, levez les frères, ha, j'suis pas prêt de prendre mon dernier verre, ok, on est là pour faire le nécessaire, c'est la guerre dans le rap, il suffit juste de rester saine, demande au prototype, ha, j'te sors des prototypes, lâche, nique la prod, on la baisse dans un clic-clac. Race de Big Mac, tu veux faire un feat quoi? Tu putes de la gueule toi, prends un tic-tac, boum. C'est un délire quoi, t'as ok, ok, ça fait. C'est pour les MC, c'est pour les flas ou whisky split. C'est le LH, si divise ton rap est chelou. Comme une miss qui deal, si si faut pas écouter ce qu'ils disent. Vise whisky split. C'est pour les MC, c'est pour les flas ou whisky split. C'est le LH, si divise ton rap est chelou. Comme une miss qui deal, si si faut pas écouter ce qu'ils disent. Vise whisky. C'est pour les MC, c'est pour les flas ou whisky split. C'est le LH, si divise ton rap est chelou. Comme une miss qui deal, si si faut pas écouter ce qu'ils disent. Vise. C'est pour les MC, c'est pour les frères sous whisky split. C'est le LH, si tu vis ton rap est chelou. Comme une miss qui deal, si si faut pas écouter ce qu'ils disent. Vise.